Section 39 de la lecture, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 1er. Section 39. Devant la guillotine. Fragment inédit des mémoires d'Ivan Tourguenev. Traduction par Michel Deligne. Chapitre 10. Cette procession fut plutôt une déroute. Troppmann marchait en avant, d'un pas agile, élastique, presque allègre. Il se dépêchait. Nous nous étions mis à son pas. Quelques-uns cherchaient à le dépasser à droite et à gauche pour voir son visage une dernière fois. Nous avions traversé le corridor en courant, descendu de même le second escalier. Troppmann franchissait les marches deux à deux. Nous volâmes le long d'un autre couloir et, après avoir sauté par-dessus quelques gradins, nous nous retrouvâmes dans la pièce où nous avions été introduits en premier lieu et qui n'avait pour meuble qu'un tabouret. C'est sur ce siège que se fait la toilette du condamné. Nous étions entrés par une porte et par une autre, placée à l'opposé, sorti d'un pas grave et mesuré, un homme en habit noir avec une cravate blanche. On aurait dit un diplomate ou un pasteur. C'était le bourreau. Il était suivi d'un petit vieillard en redingote noire. C'était le premier aide de monsieur de Paris, le bourreau de Beauvais. Le vieillard tenait à la main un sac de cuir. Troppmann se tint immobile devant le tabouret. Nous nous étions arrêtés en même temps, groupés autour de lui. Le bourreau et l'aide se tenaient à droite. Auprès d'eux, le prêtre, le commandant et M. Claude à sa gauche. Le vieillard ouvrit le sac au moyen d'une clé et retira plusieurs lanières blanches avec des boucles. Il se mit, non sans peine, à genoux derrière Troppmann et commença à lui attacher les pieds. Le condamné avait involontairement posé le pied sur une des lanières. Le vieillard s'efforçait de la reprendre, et par deux fois il dit « Pardon, monsieur », avant de se permettre de toucher Troppmann au gras de la jambe pour attirer son attention. Celui-ci se retourna, et avec son demi-salut poli, souleva le pied et lâcha la bande de cuir. Pendant ce temps, le prêtre lisait à demi-voix dans un livre de prière en langue française. Les deux autres aides du bourreau ôtèrent avec précipitation la camisole de force, prirent les bras de Troppmann, lui attachèrent les mains sur le dos, en forme de croix, et entourèrent tout son corps de lanières. Monsieur de Paris donnait ses instructions en indiquant du doigt à gauche, à droite. On n'avait pas percé dans les lanières de trous pour les crochets. Le vieillard chercha d'abord dans le sac, puis dans ses poches, et en tira enfin une haleine courbée. Il voulut la passer dans le cuir, mais ses doigts enflés par la goutte ne lui obéissaient plus. Le cuir était dur et neuf. Il arrivait avec peine à faire un trou. Puis, quand on voulait y passer le crochet, il n'entrait pas. Il recommençait à côté un nouvel œillet. Le prêtre, s'apercevant que tout n'allait pas bien, disait plus lentement les prières pour donner du temps au vieillard. Enfin, quand cette opération, durant laquelle, je le confesse, une sueur froide m'inonda le visage, fut terminée, on en commença une nouvelle. On pria Troppmann de s'asseoir sur le tabouret, et le vieillard goutteux se mit à lui couper les cheveux. Il retira d'abord de petits ciseaux, et avec force grimace de la bouche, il coupa avec attention le col de la chemise du condamné, de cette même chemise qu'il venait à peine d'ajuster avec tant de soin, et qu'on aurait si facilement pu couper auparavant. Mais le guingamp était épais et résistait à l'instrument tranchant. Monsieur de Paris surveillait ses apprêts et ne paraissait pas content. L'ouverture n'était pas suffisante. Il s'en fallait d'une largeur de main. Le vieillard goutteux recommença et coupa encore un grand morceau de toile. Le haut du dos fut découvert. On put voir les omoplates. Tropman les remonta. Il faisait froid dans cette pièce. Le vieillard s'attaqua aux cheveux. Il posa une main enflée sur la tête du jeune homme, qui la baissa immédiatement avec soumission. Il coupait de la main droite. Les touffes de cheveux, d'un blond sombre, glissaient sur les épaules et tombaient à terre. Une boucle roula jusque sous mon pied. Tropman tenait toujours sa tête inclinée avec résignation. Le prêtre disait les prières encore plus lentement. Je ne pouvais détacher mon regard des mains du condamné. Ses mains, rougies dans le sang innocent, et maintenant couchées l'une sur l'autre, impuissantes. Mais surtout mes yeux se reposaient de préférence sur ce cou blanc et délicat, ce cou d'enfant. Mon imagination y dessinait involontairement une ligne transversale. Là, pensais-je, dans quelques minutes, la lourde hache passera, déchirant les vertèbres, tranchant les muscles et les nerfs. Ce corps ne semblait pas attendre son destin. Il était si jeune, si blanc, si poli, si plein de vie. Et je me demandais malgré moi, à quoi pense en ce moment cette tête inclinée? Pense-t-elle sans cesse, les dents serrées? Non, je ne faiblirai pas. Peut-être voit-elle passer dans un tourbillon des souvenirs insignifiants du passé. Peut-être revoit-elle dans les convulsions de l'agonie quelqu'une de ses victimes. Peut-être cette tête se dit à elle-même « Ce n'est encore rien, vous verrons après ». Et elle se répétera cela jusqu'à ce que la mort fonde sur elle et il n'y aura plus moyen de s'y dérober. Le vieillard coupait toujours. Les cheveux criaient sous les ciseaux. Cette opération toucha aussi à sa fin. Tropman se leva et secoua la tête. D'habitude, à ce moment, les condamnés qui ont encore la force de parler adressent une dernière prière au directeur de la prison, lui remettent ce qui leur reste d'argent et le prient de régler leurs dettes. Ils remercient leurs gardiens et chargent les personnes présentes de faire parvenir une dernière lettre ou une boucle de cheveux à leurs parents. Tropman n'appartenait pas à cette catégorie. Il dédaignait ses sentimentalités. Il ne prononça pas un mot et attendit dans un mutisme tranquille. On lui jeta sur les épaules un court veston. Le bourreau le prit par le coude. « Voyons, Tropman, dit Monsieur Claude, au milieu d'un silence sépulcral. C'est le moment suprême. Dans quelques minutes, tout sera fini. Persistez-vous à soutenir que vous aviez des complices. Oui, monsieur, je persiste, répondit Tropman, et sa voix de baryton agréable et ferme n'était point altérée. Le condamné accompagna ses paroles d'un léger salut, comme si c'était à regret qu'il ne répondait pas dans un autre sens pour l'agrément de son interlocuteur. « Eh bien, allons, dit Monsieur Claude. » Nous sortîmes sur la grande cour de la prison. Fin de la section 39, enregistrée par Margot.